qu'à partir de cet instant, le président Henri Konabédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Les jeunes mutins se proposent de vous présenter un comité de salut public de la République. Ce comité de salut de la République, sa composition vous sera présentée dans les heures qui vont suivre. Dès cet instant, un certain nombre de points m'ont été indiqués pour être apportés à votre connaissance. Dans les mesures immédiates, je considère l'Assemblée nationale dissoute. Le gouvernement est dissous. Certaines institutions de la République, comme le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, les considèrent dissous. Le reste fera l'objet des points qui vous seront au fur et à mesure développés. Voilà, chers compatriotes, le message que j'étais chargé de vous transmettre. Réaction immédiate du président déchu, Henri Konabédié.